Les matelots du navire Haopan 6, battant pavillon Fijian, ont organisé le 12 avril au port de Chongjin un rendez-vous commémoratif du 105e anniversaire du président Kim Il-sung. Ils ont d'abord déposé une corbeille et des gerbes de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées dans la ville de Chongjin avant de s'incliner. Ils ont adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.